professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. France Inter. Bonjour, c'est Stéphanie Duncan. Je vous propose une série de 6 portraits de femmes hors du commun qui, du 18e au 20e siècle, à un moment de leur vie, ont décidé de s'affranchir des conventions, de larguer les amarres et de partir à la découverte du monde. Aventurière, épisode 3, Louise Seguin, qui au 18e siècle s'est embarquée pour l'Antarctique. Un épisode diffusé le 6 décembre 2020. Le 26 mars 1773, dans le port de Brest, un magnifique vaisseau, le Roland, va bientôt larguer les amarres. Flambant neuf, trop neuf peut-être, on le verra plus tard. L'officier de la marine royale qui le commande, un navigateur expérimenté, Yves-Joseph Kerguelen de Trémarec, est heureux et impatient. Il s'apprête à mettre la voile vers l'hémisphère sud pour prendre possession au nom du roi d'un nouveau continent qu'il a déjà baptisé la France australe. Moins d'un an plus tôt, le même Kerguelen avait été accueilli à la cour de Louis XV en héros au retour de sa première mission vers l'Antarctique. Je l'ai trouvé, je l'ai vu, cette terre australe mythique, au climat tempéré, au sol fertile et riche, dit-on même, en pierres précieuses. Mais Kerguelen n'avait pas pu accoster. Il faut donc vite y retourner avant que l'Angleterre, la grande rivale, n'en prenne possession. Mais ce 26 mars 1773, cette expédition a des faux airs d'embarquement pour Cythère, l'île de l'amour et de l'utopie. Car une passagère clandestine s'est glissée à bord. Elle s'appelle Louison. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Isabelle Autissier, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente plus, navigatrice, écrivaine, présidente du WWF France, le World Wildlife Fund. Et bien sûr, les auditeurs se souviennent de vos émissions, de vos chroniques pendant des années sur France Inter. Je suis ravie de vous recevoir ce soir pour parler d'une aventure que vous connaissez bien, celle des expéditions menées au XVIIIe siècle par le navigateur Kerguelen, dont le nom a été donné à l'archipel qu'il avait découvert. Vous lui avez consacré un livre en 2006, Kerguelen, le voyageur du pays de l'ombre, édité chez Grasset. Pourquoi lui? Pourquoi Kerguelen? Parce que j'y suis allée dans des conditions tout à fait incroyables. Dans une course autour du monde en solitaire, j'ai dématé à peu près à la hauteur de l'Afrique du Sud. Et je me suis j'ai réparé mon bateau à Kerguelen avec l'équipe de chercheurs qui aujourd'hui occupe l'île. Et j'étais très frappée par cet endroit, cette sauvagerie, cette beauté, un endroit extrêmement perdu quand même au fin fond de l'océan Indien. Et donc je me suis intéressée, du coup j'ai tiré le fil et je me suis intéressée au découvreur, donc à Monsieur de Kerguelen. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1773. À cette date, qu'est-ce qu'on connaît du monde et que reste-t-il encore à découvrir pour les Occidentaux en tout cas? Alors, on ne connaît pas grand-chose au sud et on fantasme énormément. Et là, je dirais que les savants s'accordent pour penser qu'il y a un énorme continent qui, quelque part, dans leur esprit, doit être aussi lourd, en quelque sorte, que les continents de l'hémisphère nord. Parce qu'ils disent sinon, la Terre serait déséquilibrée, elle tomberait dans le cosmos, quoi. Et donc, ce continent, bien sûr, dans l'esprit de surtout des Européens, c'est une possibilité de découverte, c'est une possibilité d'annexion de territoire, ou au moins de commerce avec des populations. Et comme on fait le pendant entre le climat de l'hémisphère nord et le climat de l'hémisphère sud, et malheureusement on découvrira que c'est pas du tout la même chose, on se dit que en gros, jusqu'au cercle polaire, c'est tout à fait habitable et on doit pouvoir trouver des populations et des terres. Et où en est la France à ce moment-là des grandes explorations? Il y a une rivalité aussi avec l'Angleterre. Oui, alors la France n'est pas très bien en point, je dirais, puisque nous avons perdu la guerre de 7 ans une petite dizaine d'années avant, et entre autres, nous avons perdu une grande partie de notre flotte à cette occasion. Et puis nous avons perdu les fameux arpents de neige, c'est-à-dire le Canada. Oui, c'est ce que disait Voltaire. Ce que disait Voltaire. Donc on cherche à se redéployer ailleurs. Et au fond, Kerguelen, avec son projet, puisque c'est lui qui va proposer ça au ministre de la Marine, arrive assez à point nommé pour dire, ben voilà, on va réaffirmer la force de la France. Et puis, il ne faut pas oublier que, à l'époque, la France possède l'île Maurice, qui peut apparaître comme une base, entre guillemets, de lancement pour des expéditions, ce que va faire d'ailleurs Kerguelen et ce que vont faire un certain nombre d'autres expéditions françaises à la même époque. Et donc, on dit que dans ces terres australes, il y a des bonnes terres, on pense qu'on peut y cultiver du blé, qu'il y a du bois, éventuellement des pierres précieuses, et peut-être même des hommes naturels. Là, on est encore dans l'esprit de Rousseau. Oui, on est dans l'esprit aussi, finalement, dans la lignée de la découverte de l'Amérique du Sud, et puis plus tard, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, d'un certain nombre d'îles dans lesquelles on trouve effectivement des populations. Et qu'on va évidemment petit à petit annexer, entre guillemets, souvent avec des faux semblants. Hein. On dit qu'on vient apporter l'amitié du roi, mais en fait on fait signer n'importe quoi aux rois locaux de manière à annexer ces terres, parce que la France est en train de se créer un empire colonial à l'instar de l'Angleterre. On est quelques années après le grand voyage autour du monde de Bougainville. Oui, par exemple, qui a donné beaucoup d'espoir, hein, la fameuse nouvelle Citerre. Donc, on rêve aussi de ces lieux enchanteurs, de ces lieux où les populations locales sont bienveillantes, enfin, on les perçoit comme telles, sont innocentes. Il ne faut pas oublier que par les marins vont arriver beaucoup de ces idées qui vont irriguer la Révolution française, qui sont des idées qu'au fond, ailleurs sur cette planète, il y a des peuples qui vivent bien et qui vivent différemment de nous, qui ne vivent pas avec en étant assujettis à des nobles et à des voilà. Donc il y a aussi autour de la marine française et on le verra un petit peu à l'occasion des aventures de Kerguelen, des ferments en quelque sorte de contestation et presque de révolution. À propos de nobles et de révolution, qui est ce Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec? Alors c'est un petit noblio de province bretonne, hein, le domaine de Kermarec, le château existe toujours, il est au sud de Quimper, et comme toutes ces familles nobles pas très très fortunées, hein, on a un peu de terre, mais enfin ça va pas très loin, forcément il y a un fils dans la marine, et Kerguelen se débrouille pas mal. Il a des appuis à la cour parce que sa femme Marie-Laure est une de Bonte, et donc il a l'oreille entre guillemets de ministre et de haut personnage. Il s'est fait confier des missions qu'il a tout à fait bien remplies, en particulier une mission d'aide à la pêche en Islande, de la pêche française. Donc, quand il est à terre, parce qu'il n'y a plus de bateaux, parce que j'évoquais la fameuse guerre de 7 ans qui a été perdue, il est jeune, hein, il a une trentaine d'années, et donc il cherche à toute force à continuer à naviguer, et c'est lui qui va monter ce projet, c'est lui qui va proposer d'aller découvrir ce qu'il appelle effectivement la France australe, et évidemment de couvrir le roi de gloire, mais lui aussi évidemment par la même occasion. Isabelle Autissier, on reprend ces discussions si vous le voulez bien dans une trentaine de minutes, tout de suite. Louison et la chimère de Monsieur de Kerguelen, un texte de Christelle Mouchard, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Cédric Ossir. Je m'enfuis. Je pars en mer. Je vais de l'autre côté du monde. Je devrais avoir peur, mais non. Après tout, qu'est-ce que je risque? Je n'ai pas de père, pas de mère, pas de fortune. Juste une bonne éducation. Et encore, je suis la maîtresse d'un gentilhomme marié de 20 ans plus vieux que moi. Une fille perdue, quoi. Tant pis. Pauvre comme je suis, je n'aurais pas trouvé de mari, alors autant avoir un amant. Et quel amant! Un héros, un grand marin, un découvreur admiré par le roi lui-même, et qui m'emmène au bout du monde vivre avec lui une vie nouvelle. 26 mars 1773. Louise Séguin sort à peine du couvent où elle a passé son enfance. Elle a moins de 16 ans, en effet, quand elle s'apprête à rejoindre Yves de Kerguelen à bord de son navire. Ils se sont rencontrés quelques mois plus tôt. Elle est une orpheline de bonne famille, mais sans fortune. Lui, un navigateur auréolé du succès de sa dernière expédition. Il vient de découvrir une terre inconnue au sud de l'océan Indien, qui semble être la pointe avancée d'un continent, le fameux continent austral. Louis XV a récompensé comme il se doit le nouveau Christophe Colomb et financé une deuxième expédition. Mais Kerguelen ne veut plus partir. Ou plutôt, il ne veut plus partir sans Louise. Et Louise ne veut pas le laisser partir sans elle. C'est pourquoi elle se trouve en ce jour de mars dans le port de Brest, à bord d'une barque qui glisse en silence vers un grand vaisseau prêt à larguer les voiles. Monsieur ? Nous ne nous sommes pas encore présentés, je crois. Lieutenant de vaisseau Ligniville. Enseigne du Chiron. À vos ordres, monsieur. Vous avez, je crois, la chance d'être un ami proche de notre commandant. Je puis donc vous dire combien je suis flatté de figurer dans l'état-major de ce vaisseau. Nos noms resteront dans l'histoire, à côté de celui de Kerguelen, découvreur d'une nouvelle Amérique. Je ne crois pas avoir entendu monsieur de Kerguelen prononcer ce mot. Eh bien, moi, je l'ai souvent entendu prononcer dans les salons, à Paris. Un continent entier, vous vous rendez compte? Le continent austral, que tous les navigateurs cherchent depuis 3 siècles. Et c'est un Français qui l'a découvert. On l'a déjà nommé, vous savez, la France australe. On parle trop à Paris. Et vous aussi, monsieur. Vous parlez trop. Oui, je sais. C'est un secret. Mais... tout de même... entre nous... Rien ne doit se dire entre nous, monsieur Ducheron. Je vous demande pardon. Mais le silence n'est plus de mise. Cette entreprise a causé déjà des morts, la perte d'un navire du roi... Comment ça, la perte d'un navire du roi? Mais voyons, cette gabarre, dont le nom est le gros ventre, que monsieur de Kerguelen a laissé en grand danger de naufrage. Et ce jeune enseigne, François de Rosilly, abandonné sur les côtes de la France australe. Sachez-le, on parle aussi de ça dans les salons. Jamais monsieur de Kerguelen n'aurait commis les fautes que vous décrivez. Ce sont les jaloux qui répandent ce bruit. Les officiers qui lui en veulent, parce qu'il a été nommé capitaine de vaisseau. Certes. Mais si l'on peut imposer silence aux jaloux, vous ne ferez pas taire la sœur de Rosilly. Elle a écrit à Versailles pour demander une enquête, car c'est un fait. François de Rosilly est parti avec Kerguelen, et il n'est pas rentré. Tiens. Vous entendez? Une barque approche. Quelqu'un vient à bord. Si tard dans la nuit. C'est curieux. Je vois un homme enveloppé d'une cape. Il monte à bord. Non pas il, elle. C'est une femme. On voit ses jupes. Oh, elle a disparu. Nous avons donc une passagère. Qu'est-ce que... Bien, je vais... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est donc ça, la cabine d'un commandant de la flotte royale? Comme c'est étroit. Mais c'est beau, tout ce bois. Je crois que je vais me plaire ici. Ah, Louison, tu es là. Yves! Ah, Louison. Ma petite Louison. Alors, qu'est-ce que tu penses du Roland? Du Roland? C'est le nom de ce vaisseau, petite ignorante. Eh bien, j'aime beaucoup. Ça sent bon le bois et la résine. C'est parce que le navire est neuf. Je peux t'assurer que d'ici quelques semaines, ça sentira plutôt l'urine et le moisi. Je ne me plaindrai pas. Je sais à quoi je m'engage, je te l'ai dit. Une nouvelle vie dans un nouveau monde. Es-tu sûre? Tu es prête à tout quitter pour un continent inconnu? Une terre que les géographes ont dessinée sur les cartes, mais que personne n'a vue? Sauf toi. Sauf moi. Une terre immense, avec des montagnes, des golfs. Beaucoup de pluie, il est vrai, mais de la verdure à perte de vue. Ça ressemblait, je dirais, à ce que Jacques Cartier a vu en arrivant au Canada. Mais à l'envers, puisque placé à l'extrême sud de notre planète. Il faudra donc que je me fasse paysanne, bergère. Il faudra que tu chasses pour me rapporter des peaux de bêtes. Et nous ferons la conversation avec des sauvages. Quelle image magnifique. Tu seras ma Zima. Et... Zima? Tu sais, l'héroïne de Rameau dans Les Indes Galantes. Ah oui. Forêt paisible, forêt paisible. C'est une folie que nous faisons, tu sais. Il est interdit d'embarquer des femmes sur les navires du roi, sauf quelques passagères autorisées qui rejoignent leurs époux aux colonies. Et je n'ai pas demandé l'autorisation. On te l'aurait donné, l'autorisation? Monsieur le ministre, puis-je vous demander l'autorisation d'emmener en mission ma jeune maîtresse? Vous savez, cette petite Louise Seguin, jolie comme un cœur. Peut-être aurais-je dû. Les ministres et le roi lui-même savent ce qu'on est capable de faire par amour. C'est pour cela qu'ils fermeront les yeux quand ils apprendront qu'il y avait une passagère clandestine à bord du navire de Monsieur de Kerguelen. Je préfère qu'ils ne la prennent pas avant mon retour. Personne ne t'a vu quand tu es monté à bord. Je ne sais pas. J'ai entendu deux officiers discuter. Je voulais te demander, justement. Ils parlaient d'un gros ventre. C'était le nom de ma conserve pendant mon voyage de découverte. Conserve? Gros ventre, je n'y comprends rien. On appelle conserve les navires qui naviguent ensemble. Lors de ce précédent voyage, je naviguais sur une flûte appelée la Fortune, accompagnée par une gabarre dont le nom est le Gros Ventre. Et c'est vrai que tu l'as abandonnée? Ils ont dit cela. C'est une méchante rumeur qui court à Brest pour me discréditer. La Fortune et le Gros Ventre naviguaient de conserve quand nous avons trouvé le continent austral. Mais un coup de vent nous a séparés, et je suis rentré vers l'Europe pour annoncer ma découverte. Ce n'était pas un abandon. Se perdre de vue, ça arrive en mer. Chaque navire suit alors sa route séparément. Il parlait aussi d'un certain Rose que tu aurais laissé se noyer. Quelle sornette! La sœur de François de Rosilly m'a écrit à ce sujet. Je lui ai dit ce que j'en savais. Pas grand-chose, en fait. C'est bien mystérieux. Raconte. Le garçon était sous mes ordres. Et je l'ai en effet désigné pour débarquer le premier sur le continent austral. Il s'est éloigné en chaloupe vers le fond d'une baie assez profonde. Mais la tempête s'est levée, et j'ai dû m'écarter de la côte. Je n'ai donc pas pu le reprendre, mais il a sans doute été récupéré par le Gros Ventre, qui le suivait de près, tout simplement. Ou si ça se trouve, il est encore à se prélasser sur une plage du continent austral. Peut-être dans les bras d'une belle fille au sein nu, comme Bougainville à Tahiti. François de Rosilly est loin de se prélasser sur une plage du supposé continent austral. Mais personne en France ne peut le savoir, car les nouvelles à l'époque sont lentes à circuler, et même très lentes lorsqu'elles viennent de l'océan Indien. Il leur faut près d'une année pour atteindre Brest, depuis la lointaine colonie aujourd'hui appelée l'île Maurice. Or c'est là, à Port-Louis exactement, que le jeune Rosilly est réapparu 6 mois plus tôt. Il a écrit aussitôt à sa famille, mais la lettre n'avait aucune chance d'arriver à destination avant le départ de Kerguelen. Port-Louis, septembre 1772. Ma chère sœur, cette lettre est pour te rassurer. Je suis sain et sauf, et de retour sur le Gros Ventre. C'est une curieuse histoire. Nous sommes partis à 2 navires, souviens-toi, mais nous avons été séparés par la tempête. Cela arrive souvent, et c'est pourquoi Monsieur de Kerguelen nous avait donné des points de rendez-vous. Nous y sommes donc allés, mais nous n'avons trouvé personne. J'ai appris en arrivant ici qu'en fait, il était rentré droit vers la France. Si bien que nous avons fait le tour de l'océan Indien à sa recherche, pour rien. Mais je suis vivant, c'est tout ce qui compte. Monsieur ! Oui, je viens. Une minute. Je termine ici ma lettre, ma chère sœur, car je dois rencontrer l'intendant de cette colonie, Monsieur Maillard. François de Rosilly, n'est-ce pas? Quel plaisir de vous rencontrer. Vous allez pouvoir me donner des nouvelles de la France australe. La France australe? Bien sûr, vous ne le savez pas. C'est ainsi qu'on appelle désormais le continent découvert par Monsieur de Kerguelen. Alors? Alors quoi? Vous qui l'avez visité, comment sont les habitants? Vous avez pu commercer avec eux? Quel genre de bétail ont-ils? Avez-vous pénétré dans les forêts? Je suis désolé de vous décevoir, nous n'avons vu ni forêt, ni bétail, ni habitants. Juste des plaques de neige et du lichen. Verdoyant, certes, mais du lichen. Il n'y a pas de ville. Pas de pâturage. Les seuls habitants sont de grands pingouins et de gros phoques. Pour ce que nous en avons vu, car à vrai dire, la tempête nous a empêchés de rien explorer. Je vois. Il faut que j'informe le ministre plus vite pour empêcher l'expédition de partir. Quelle expédition? Monsieur de Kerguelen a réussi à persuader le roi qu'il fallait envoyer une nouvelle expédition dans cette France australe pour y installer une colonie. Une colonie. Quelle bêtise. Ou plutôt, quelle escroquerie. Monsieur de Kerguelen repart? Vraiment? Je dois rentrer en France au plus vite, monsieur Maillard. Vous avez raison. Il faut que vous répétiez vous-même au ministre de la Marine ce que vous venez de me dire. Ça va être un choc, mais il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Je m'occupe d'embarquer au plus vite. Adieu, monsieur. Pourvu qu'il puisse empêcher le départ de Kerguelen. Comment le roi a-t-il pu croire à une pareille chimère ? Parti de Port-Louis à l'automne, François de Rosilly est encore en mer au mois de mars de l'année suivante, lorsque Kerguelen et la jeune Louison quittent les côtes de France pour le continent austral. Sans savoir que le gros ventre a réapparu, il s'apprête à contourner l'Afrique par le sud lorsqu'à bord du navire, la situation se gâte. Construit tout spécialement pour l'expédition, le Roland se révèle trop neuf. Le bois de sa coque n'a pas eu le temps de s'amariner. L'humidité qui en suinte abîme les vivres, dont la pourriture provoque une épidémie dès les premières semaines de navigation. Dans ces conditions difficiles, il importe que règne entre les hommes la sérénité et la discipline. De l'air, de la lumière. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait faire la fête comme ça en pleine mer. Et en pleine épidémie. L'oiseau sort enfin de sa cage. Cela tombe merveilleusement bien. Mademoiselle ? Louise Seguin, pour vous servir. Enseigne du Chéron, pour vous servir. Pourquoi cela tombe-t-il bien que je sorte aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie du passage de la ligne. Quelle ligne ? Je ne vois rien. La ligne la plus longue du monde. L'équateur. Vous savez ce que c'est, jeune demoiselle ? Je sais ce que c'est, monsieur. Mais je ne comprends pas pourquoi ça les rend si gais. Ce qui les rend gais, c'est vous, ma petite. Car ils gagent que vous n'avez jamais franchi l'équateur et que donc, ils vont vous baptiser. C'est une tradition dans la marine. Ma foi, si ça peut leur faire plaisir. Je vous déconseille de les laisser faire, ma petite. Ils peuvent être très grossiers dans leur débordement. Surtout qu'en ce moment, tout va mal. Les vivres sont pourris, ils tombent malades comme des mouches. Ils pourraient se venger sur vous. Je ne crois pas. Ils savent que je suis sous la protection de Monsieur de Kerguelen. Protection ? Ah oui ? Vous êtes protégée ? Et combien coûte cette protection ? Je pourrais être intéressé. Vous devenez insultant, monsieur. Allons, ne jouez pas les colombes. Nous avons tous compris. Votre arrivée clandestine, votre installation dans la cabine de Monsieur de Kerguelen. Je ne suis pas pour autant à vendre. Monsieur de Lignyville, pardon, je ne vous avais pas vu. Qu'avez-vous, mademoiselle ? Rien. Enfin, si. Ce jeune homme là-bas m'a manqué de respect et je n'ai pas su réagir. Je suis trop bête. Du Chéron. Ça devait arriver. Ne l'approchez pas, mademoiselle. C'est un garçon dangereux. Je n'aurais pas dû l'écouter. Ne le dites pas à Monsieur de Kerguelen, il le mettrait au fer. Ça m'étonnerait. Pourquoi ? Du Chéron sait qu'il peut impunément défier son commandant. Et Monsieur de Kerguelen sait qu'il sait. Je vois. À cause de moi, n'est-ce pas ? Il obtient ce qu'il veut en menaçant de dénoncer votre présence à bord. Je n'avais pas conscience que je mettais Monsieur de Kerguelen en danger. Je pensais naïvement qu'il était le maître absolu à bord, quoi qu'il fasse. Il avait fini par se l'imaginer, lui aussi, je crois bien. Vous devez me détester ? Non, mademoiselle. Vous n'êtes pas la seule cause de cette situation. Ça fait un moment que je m'inquiète. Ces honneurs excessifs dont a été comblé Monsieur de Kerguelen, ce navire trop grand, ces 700 000 livres dépensées pour une expédition incertaine. Vous voulez dire que Monsieur de Kerguelen ne mérite pas cette gloire ? Si, bien sûr. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Les hommes qui ont navigué avec lui sont prêts à le suivre au bout du monde. C'est un marin courageux, humain. Et personne mieux que lui ne connaît les mers froides. Alors il n'y a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas ceux du Chéron qui peut semer la zizanie. Regardez ces matelots. Ils sont malades et ils dansent. Ils ont confiance en leur commandant. Je suis comme eux. Je suis prête à le suivre au bout du monde. Et vous verrez, Monsieur de Lignyville. Je suis brave. Je le vois déjà, mademoiselle. Mes respects. Je suis brave. Je suis prête à le suivre. Qu'est-ce qui m'a pris de dire cela ? Je ne suis pas brave. Et je n'ai jamais navigué. Pourtant, il va bien falloir que je le sois, brave. Lignyville a raison. Yves est mal à l'aise, il perd de son autorité. C'est à moi de réagir. Si ce Ducheron se permet encore de m'insulter, je dois lui clouer le bec. Comme on grandit vite en mer, il me semble que j'ai vieilli de 10 ans depuis que je suis partie. Je me revois dans le port de Brest, une petite fille. Comment ai-je pu dire ces bêtises sur la France australe? Sur ces dames aux seins nus et ce jeune homme, ce Rosilly, qui est peut-être mort à cette heure. Louison se trompe encore. À cette heure, François de Rosilly est bien vivant et heureux. Arrivé à Brest en avril, il s'apprête à retrouver enfin sa famille après 2 ans d'absence, ignorant tout des derniers événements. Ouvrez ! J'arrive, j'arrive. Oh, ma vieille nounou. Un fantôme. C'est toi. Ma douée. Quel bonheur de te revoir. Ma des rétro diaoul. Enfin, nounou, c'est moi. Je suis vivant. François de Rosilly, en chair et en os. Monsieur François, vous n'êtes donc pas mort? Quel bonheur! Oh là là, votre sœur, ça va lui faire un choc. Elle vous croyait noyée, engloutie, assassinée. Oui, bon, allez, remets-toi et annonce-moi à ma sœur, vite. Mais elle n'est pas ici. Elle est à Versailles où qu'elle fait des pieds et des mains pour que votre capitaine soit puni. Mon capitaine? Tu veux dire Kerguelen? Tout juste. C'est le nom qu'on dit tout le temps ici à Brest. Il a bien fait de disparaître. Comment ça? Il a disparu? Bah quoi? Vous ne savez vraiment rien, monsieur François? Il est reparti s'installer dans son nouveau monde, je sais pas où. Quand ça? Oh, ça doit faire 2 mois, quelque chose comme ça. Oh, sacre Dieu! Monsieur François, vous ne seriez pas si grand que je vous laverais la bouche avec du savon. Grand, mais bien maigre. Je vais vous faire une galette au beurre pour réparer ça. Je dois repartir, nounou. Trouver un navire en route vers Port-Louis au plus vite. Adieu, ma nounou. Je t'aime. Mais... et votre sœur? Tu lui diras que je dois rejoindre Kerguelen avant qu'il s'installe dans son nouveau monde. Elle comprendra. Ainsi, le chassé-croisé se poursuit-il, avec une somme de malentendus qui fait de l'océan une curieuse scène de théâtre où le temps s'étire indéfiniment au gré des vents. Alors que Rosilly repart pour l'océan Indien, Kerguelen arrive enfin à Port-Louis, sans savoir que l'intendant Maillard est maintenant prévenu contre lui. Monsieur Maillard, je suis enchanté de vous revoir. Et moi, monsieur de Kerguelen, sachez que je ne suis guère enchanté de vous revoir. Voyons. Car cela signifie que François de Rosilly n'a pu empêcher votre départ. Rosilly? C'est donc le gros ventre est revenu, j'en suis bien aise. Vous voilà innocenté d'une accusation, en effet. Mais sachez que ce jeune homme vous charge d'une autre faute, je dirais encore plus lourde. Je m'étonne que Rosilly ait parlé de faute. Cela ne lui ressemble pas. Il n'a pas eu à prononcer le mot. Il m'a décrit votre prétendue France australe. Je sais donc qu'elle n'existe pas. Vous avez effleuré un caillou glacé et vous êtes revenu en prétendant avoir découvert un continent. Autrement dit, vous avez menti. C'est ce que Rosilly a dit. Il est resté elliptique, mais je l'ai compris. Alors vous avez mal compris, monsieur Maillard. Et sachez que je m'apprête à retourner conquérir ce caillou, comme vous dites. Pour la plus grande gloire de la France. Et son plus grand déficit. Je ne vous laisserai pas le creuser plus que vous ne l'avez déjà fait. Vous devrez tout de même, par ordre du roi, me donner de quoi ravitailler mon équipage. Voici une liste des vivres qu'il me faut. Le roi ne sait pas, monsieur, qu'un cyclone vient de ravager l'île. Il nous reste à peine de quoi nous nourrir. J'espérais que vous apporteriez des vivres, plutôt que d'en demander. Voyez ce que vous pouvez faire, au moins. Je vais voir, en effet. Ça, je peux vous le promettre. Revenez demain. Yves. Ah, je t'avais oublié, Louison. Je vois bien. Ne marche pas si vite. Je voudrais visiter l'île. Regarde ces collines, ces arbres, ces oiseaux de toutes les couleurs. Pas maintenant, Louison. Tu auras largement le temps de te promener une fois que je serai parti. Une fois que tu seras parti? Tu veux dire que je reste ici? Oui, c'est plus prudent. Cette expédition s'annonce difficile. Vous le savez en partant, non? Ce que je ne savais pas, c'est que Maillard me mettrait des bâtons dans les roues. Je croyais au contraire qu'il faisait partie des enthousiastes. Oui, mais il se trouve qu'entre-temps, le gros ventre est revenu. Ah, quel soulagement! Voilà ce Rosilly sain et sauf, n'est-ce pas? Oui. Mais justement, Rosilly est partie pour la France afin de révéler tous mes mensonges. Tu as menti? Bien sûr que non. J'ai vu une grande terre, qui ne peut être que la pointe avancée du continent austral. Oui, je l'ai vu, c'est incontestable. Alors pourquoi es-tu inquiet? Qu'est-ce que Rosalie pourrait dire? Ma foi, que le continent austral ne ressemble pas tant que ça au Canada. Je dois le reconnaître. Je ne suis pas très sûr d'avoir vu des forêts, en fait. Ni des pâturages. Je comprends. Tu n'as pas menti, mais tu as laissé les autres inventer des fariboles. Moi, la première, c'est ça? Oui. J'ai laissé dire et j'ai fini par y croire. De ce fait, Maillard va m'obliger à partir sans vivre ou presque, et avec un navire en mauvais état. Je préfère que tu m'attendes ici. Pas question. Je veux commencer une nouvelle vie, Yves, mais pas ici. Ducheron est en train de raconter à toute la ville que je suis une prostituée que tu as embarquée secrètement. Une nouvelle vie? Ma pauvre Louison. Dans les tempêtes, la famine, le scorbut? Et alors? Je savais ce que je risquais. La France australe est un pays froid, tant pis. Je préfère quand même la France australe. Et nous allons montrer au monde entier qu'elle en vaut la peine. Tu as raison. Je retourne voir Maillard. Attends-moi. C'est beau ici. L'air est tiède, parfumé comme un gâteau. Peut-être que je devrais rester, tout compte fait. Non. Ce serait la fin du rêve. La fin de tout. Et puis comment vivre? Je ne peux exercer aucun métier et je suis trop pauvre pour trouver un mari. Je n'aurai plus qu'à devenir une fille de joie, une de celles qu'on aperçoit dans les tavernes du port. Ah non, j'ai fait un choix. Yves aussi. Il a pris le risque de m'embarquer, tant pis pour lui. Il faut qu'il m'emmène jusqu'au bout. Même s'il comprend que Kerguelen a fait une description très inexacte de la France australe, Louison ne peut imaginer ce qui l'attend au moment où elle décide de rester à bord du Roland. L'intendant Maillard, fidèle à ses menaces, n'a livré que peu de vivres. Mal avitaillé, mal équipé, l'expédition arrive le 14 décembre 1773 en vue de la terre que Kerguelen avait découverte 2 ans plus tôt. Elle est impressionnante, défendue par d'immenses falaises enveloppées d'un brouillard glacé. Plus au sud, s'ouvre une baie dont le Roland tente d'approcher. On y entrevoit un rivage caillouteux où grouille tout un peuple de manchots et d'otaries. Soudain, un vent furieux chargé de neige oblige le navire à s'éloigner pour louvoyer devant la côte. 35 jours plus tard, rien n'a changé. Alors, Lignyville, comment ça se présente? Mal, monsieur. Nous voyons toujours la terre, mais aucun abri. Le vent? Quand il faiblit, la brume se lève. Et les hommes? Est-ce qu'ils résistent? De plus en plus mal. Regardez les haubans. Touchez. Je vois. Ils sont pris sous une couche de glace. Tous. Et les cordages aussi. Chaque fois que les gabiers doivent monter dans les vergues pour manœuvrer, ils reviennent les mains en sang. Augmentez les rations de biscuits et d'eau de vie. Monsieur! Là-bas! Une plage! Il faut approcher! Il faut, monsieur Ducheron? Vous décidez à présent des manœuvres? La situation est intenable. Monsieur, nous devons débarquer. Trouver des vivres. Si vous prenez votre lunette, monsieur Ducheron, vous verrez des récifs. Et si vous observez mieux le creux des vagues, vous verrez que de surcroît, la brume se lève. Ma lunette. Elle me dit surtout que si j'avais su... Il a raison sur un point, si vous me permettez, monsieur. La situation n'est guère tenable. Je le sais bien. Encore un homme qui tombe des agrès. Le troisième depuis ce matin. C'est le froid. Ils sont pris de malaise. Les doigts gelés, ils glissent. J'y vais. Louison, rentre et vite. Tu n'es pas assez couverte, voyons. J'ai entendu des cris. Les pauvres marins. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, Louison. Rien. Sauf nous trouver un port sur cette île maudite. Une île? C'est une île, alors? C'est pas le continent austral? Nous en avons fait le tour. C'est bien une île. Plusieurs îles, en fait. Glacées. Ventées. Inhabitables. Vraiment? Pourtant, c'est beau. Non, plutôt envoûtant. Ces montagnes, ces couleurs, et toutes ces bêtes inconnues, partout. Je doute que le roi trouve ça beau, Louison, quand je lui dirai que je n'ai pas pu y débarquer. Tu veux dire que... que nous allons faire demi-tour. J'ai pris ma décision. Nous n'avons pratiquement plus un seul homme valide. Léoban menace de rompre. Je refuse de retourner à Port-Louis. C'est trop humiliant. Certes. Nous irons ailleurs. Au moins le temps que les hommes se remettent. Après, il faudra bien rentrer en France. Tandis que les deux amants envisagent tristement la fin de leur rêve, François de Rosilly, lui, espère toujours rattraper Kerguelen. Au moment où le Roland fait demi-tour, le 18 janvier 1774, il vient tout juste d'arriver à Port-Louis. Monsieur Maillard, hé ! Ça alors, monsieur de Rosilly. Où est-il ? Vous l'avez vu ? Qui cela ? Kerguelen, pardi. Ah, l'escroc. Il est passé ici il y a... ma foi, un bon moment déjà. Je l'ai mal reçu, vous pouvez me croire. À cette heure, il doit être en train de chercher sa terre promise. Bon débarras. Bon débarras pour vous, peut-être, pas pour moi. J'aurais tant voulu repartir avec lui. Repartir avec lui ? Mais vous avez dit vous-même que la France australe n'existait pas. Moi ? Certainement pas. J'ai décrit ce que j'avais vu, une côte inhospitalière. Il n'empêche qu'il faut y retourner, l'explorer. Moi qui ai cru que vous vouliez empêcher cette expédition. Je n'ai jamais dit ça. Je voulais participer, au contraire. Vraiment ? Alors vous pouvez le rejoindre, si vous y tenez tant. Comment ça ? Il est au bout du monde. Ce n'est pas ce que disent certains négriers. Ils l'auraient rencontré en un lieu inattendu, figurez-vous. Mais je n'en sais pas plus. Je ne fréquente pas ces gens. Allez donc leur poser quelques questions. Vous les trouverez dans les tavernes du port. Avec plaisir, je meurs de soif. Le temps de donner de mes nouvelles en France. Ma chère sœur, on a dû te dire que j'étais passé à Brest. Nounou m'a pris pour un fantôme. Une drôle d'expérience. Et ici, c'est pareil. L'intendant Maillard n'en revenait pas de me voir. Il croyait que j'étais parti dire du mal de monsieur de Kerguelen à Versailles. L'idiot. Mais il se trouve que je ne pense aucun mal de monsieur de Kerguelen. Et je suis bien désolé de la tournure des événements. C'est fini. Son expédition est un fiasco. Il a fait demi-tour. Le plus étrange est qu'on l'a vu à Madagascar, avec une fille, dans une baie connue des trafiquants en tout genre, en train de commercer avec le chef local. Voilà qui mériterait une enquête. Mais il est temps que je passe à autre chose. Il faut que je pense à ma carrière. Il est temps, en effet, pour François de Rosilly de penser à sa carrière, qui sera longue et belle, puisqu'il naviguera sur toutes les mers du globe jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais avant de s'occuper d'un prochain embarquement, le jeune homme prend soin de faire savoir par écrit au ministère de la Marine qu'il garde à Kerguelen toute son estime. Cette lettre d'une grande dignité sera sans effet. Dès son retour en France, Kerguelen se trouve accusé officiellement par Duchéron de lâcheté, d'incompétence et de débauche. Son rapport, accablant, remonte jusqu'au roi, qui n'est plus Louis XV, mort 5 mois plus tôt. Malheureusement, le jeune Louis XVI a, sur les mœurs légères du règne précédent, un regard sans bienveillance. Bientôt, pour Kerguelen, c'est le conseil de guerre. Le procès s'ouvre en octobre 1774. En attendant la sentence, l'objet du délit, Louise Seguin, est envoyé au couvent, tandis que l'accusé, lui, est enfermé dans une épave qui sert de prison, au fond de la rade de Brest. Cette humidité, cette odeur de vase... Si on m'avait dit qu'un navire se changerait pour moi en oubliette. Ah, Lignyville. Alors ? 6 ans de forteresse. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais en appeler au ministre, au roi s'il le faut. Je vous le déconseille. La peine requise était de 20 ans. 20 ans ? Dire que j'en suis encore à me demander de quoi je suis accusé. Voulez-vous connaître les motifs officiels ? Je vous les lis... Déclare le dit sieur de Kerguelen dûment convaincu. Ah, là. Premièrement, d'avoir embarqué illicitement et furtivement une jeune fille. Deuxièmement. Je n'arrive pas à y croire. Un simple libertinage, une bêtise. Une grosse bêtise, oui, mais pas un crime. Inoffensive Louison, qui se retrouve avec le triste honneur d'être citée au premier chef. Vous savez bien que Mademoiselle Seguin n'est qu'un prétexte. Ce qu'on vous reproche, ce n'est pas la jeune fille, ce n'est pas la débauche, ce n'est pas non plus le commerce à Madagascar. C'est la France australe. Je ne suis pas un escroc, Lignyville. J'y ai cru, à la France australe. Vous avez lu la lettre de François de Rosilly. Il y croyait aussi. Mais il n'a jamais laissé croire qu'elle était une terre de cocagne. C'est cela votre faute, monsieur. Ma faute? Vous auriez dû voir, comme ils voulaient tous y croire, à la découverte de cette nouvelle Amérique. Les ministres, la cour, le roi. Ils se sont bernés eux-mêmes. Et vous? Et moi aussi. J'ai fait un rêve, vous comprenez? Je n'ai trompé personne, je me suis trompé moi-même, et je le paye cher. Vous n'êtes pas le seul à payer. Vous ai-je fait du tort, Lignyville? Je ne pensais pas à moi. Je pensais à une petite fille qui a grandi trop vite. Louise, elle faisait partie du rêve. Si jeune, enfermée dans un couvent. Un jour, on pourrait bien penser que c'est là votre plus grande faute. Était-ce un rêve ? J'ai le souvenir de m'être endormie dans un couvent il n'y a pas si longtemps. J'avais 15 ans. Je finissais mon éducation auprès des religieuses. Et ce matin, voilà que je me réveille encore une fois au couvent. Que s'est-il passé entre-temps ? A-t-il existé, ce grand navire ? Cette cabine tout en bois, d'où je regardais les vagues lécher la coque ? Et cet archipel environné de brume ? Non, ce n'était pas un rêve. J'ai encore dans l'oreille le bruit du vent dans les haubans, sur ma langue, le goût du sel, et dans tout mon corps, la chaleur des étreintes sur notre couchette si étroite. Yves et moi, nous sommes bien punis. Montrés du doigt, humiliés, enfermés. Yves dans une forteresse. Le regrette-t-il, ce voyage? Sans doute. Et moi? Non, je n'arrive pas à le regretter. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être serai-je mariée. Peut-être finirai-je religieuse ou courtisane. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours la première femme à avoir vu les îles Kerguelen. Louison et la chimère de Monsieur de Kerguelen, de Christelle Mouchard, avec Louise Seguin, dite Louison, Agathe Le Bourdonnec, Yves de Kerguelen, Thibault Lacour, Joseph de Lignyville, François Hatte, Marc Ducheron, Jérémy Bédrune, Maillard, Hugues Boucher, François de Rosilly, Alexandre Bierry, La Nounou, Caroline Arroas. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Antoine Viossa et Étienne Collin, assistante à la réalisation Claire Chesneau, réalisation Cédric Ossir. Isabelle Autissier, l'expédition qui devait apporter gloire et fortune à la France hier Kerguelen s'est finie plutôt mal. Le continent austral n'est pas trouvé. Kerguelen, qui a menti, se retrouve en prison et Louison au couvent. Qu'est-ce qu'on peut penser de Kerguelen? C'est un mythomane, un escroc? Non, je ne pense pas que ce soit un escroc. C'est quelqu'un qui a une ambition peut-être démesurée et c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, survendre son premier voyage et sa première découverte. Mais ce qui a été dit dans la pièce est tout à fait juste. Tout le monde voulait trouver quelque chose. Tout le monde imaginait qu'il y avait un continent. Donc lui, il aperçoit, lors de son premier voyage, il aperçoit pas grand-chose en fait. Des caps embrumés, peut-être quelques plages avec des manchots, de loin, ça pourrait peut-être ressembler à des vaches. Enfin, voilà, il ne va pas débarquer, et c'est évidemment là une de ses grosses erreurs. Il va s'empresser de rentrer en France et d'aller dire au roi qu'il a trouvé quelque chose. Et là, il se laisse aller au fond. Mais tout le monde attendait que ça, tout le monde était prêt à le croire. Oui, tout le monde a eu le même rêve. Tout le monde a eu le même rêve, et puis c'était un rêve qui était appuyé quand même sur une volonté d'expansion de la France de l'époque. On avait à peu près au même moment Cook, l'anglais, le grand Cook, qui naviguait dans le coin, qui d'ailleurs, entre les deux voyages, va lui prouver que ça ne peut être qu'une île, parce qu'il va naviguer à la limite des 60e. Mais en tout cas, il y avait dans l'esprit de la France et de l'Angleterre l'idée que quelque part dans le sud, il y avait peut-être des grands territoires. Donc tout le monde n'attendait que ça. Kerguelen, une des accusations aussi qu'il a subies, c'est que, voilà, qu'il avait fait du trafic d'esclaves à Madagascar. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées. Louise, évidemment, le fait qu'il n'ait pas débarqué, ça a été souligné aussi dans le texte. Il va rester 35 jours, il va pas trouver un seul moment pour débarquer. Ça, c'est quand même un petit peu curieux, parce que, bon d'accord, moi je connais ces parages, il fait pas beau, mais quand même, il y a des moments, on a l'impression quand on regarde sa navigation qu'il fait un peu le contraire de ce qu'il faudrait faire. Comme s'il était impressionné, comme s'il avait pas envie, au fond, de se rendre compte. Et puis, on va aussi donc lui reprocher l'achat des esclaves qu'il fait à Madagascar, qui était interdit, le fait de vendre des choses pour son propre compte de manière indue, son comportement sur le bateau. Enfin, il y a toute une litanie de plaintes. Et effectivement, c'est Ducheron qui va beaucoup mener la bataille, entre guillemets, parce que ils se sont absolument détestés très vite. Et Ducheron est ravi de vraiment d'enfoncer Kerguelen quand il va revenir. Donc Kerguelen va faire 6 ans de prison, mais finalement il va être libéré en 1778. Il va réintégrer la marine. Oui, il va réintégrer la marine, alors pas très glorieusement. Il a des petits boulots, on pourrait dire. Hein. Donc il va plus jamais avoir des commandements aussi prestigieux. Et au moment de la Révolution, il va être inquiété, il va même faire de la prison. Et alors là, curieusement, il va se présenter comme une victime du pouvoir royal. Il va dire, vous voyez, moi j'ai été emprisonné par le roi, donc forcément je suis plutôt du côté des révolutionnaires. Et il va reprendre du service pour le compte de la Révolution. Il va reprendre du service en mer, mais là non plus, ce sera jamais des choses très brillantes finalement. Et il meurt en 1797 à l'âge de 63 ans. Et la pauvre Louison, on a très peu de choses sur elle en fait, on ne sait pas grand-chose. C'est fou quand non, même. C'est vous, pas grand-chose. Vous, la navigatrice, c'est quand même étonnant l'histoire de cette jeune fille qui a bravé l'interdit. Elle est montée sur un bateau et vous aujourd'hui, vous êtes la navigatrice qui est partie en solitaire, qui avait sillonné les océans. C'est quand même étonnant cette histoire. Ben, je pense qu'elle était effectivement courageuse, même si peut-être qu'elle se rendait pas compte au début, mais quand même. Alors, on ne sait pas très bien d'où elle vient, et on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle va finir, entre guillemets. Et pour ça, Kerguelen a dit « Je ne révélerai jamais rien d'elle pour ne pas lui porter tort », et il va tenir ses promesses envers et contre tout. Donc, alors, c'est pas tout à fait la première, puisqu'on se souvient de Jeanne Barrette au moment du voyage de Bougainville, qui s'était déguisée en homme, pour elle aussi suivre son amant, qui était le botaniste Commerson. À laquelle nous avons consacré une émission, d'ailleurs. Voilà, donc j'allais dire, entre guillemets, c'est la deuxième. C'est la première, certainement, à voir ses îles oubliées. Donc oui, elle a fait preuve, certainement, d'un courage. Parce qu'en plus, il faut se souvenir qu'à l'époque, ça portait malheur, les femmes à bord. Et tous les déboires du Roland vont en partie lui être imputés. Donc elle a une position qui est très, très difficile à tenir sur le bateau. Et les îles Kerguelen, à quel moment la France va vraiment s'intéresser à ces îles Kerguelen qui ne sont pas une terre de cocagne comme on l'a cru? Non, pas du tout, quoi qu'elles aient un intérêt aujourd'hui. Longtemps après, parce qu'en fait, donc il y a avec Rosilly une prise de possession officielle des îles, et on ne va y retourner qu'au début du XXe siècle. Donc entre les deux, il y aura des expéditions plutôt scandinaves et anglo-saxonnes pour aller chasser le phoque et l'éléphant de mer. Et les Français y reviennent quand on commence à se dire que c'est bien d'avoir peut-être des points d'appui un peu partout sur les mers pour éventuellement, toujours pareil, des visées expansionnistes, des visées de stratégie globale. Donc on va envoyer... pour le coup, des missions qui vont aussi assez mal se passer. Dans les années 30, on va essayer d'implanter des agriculteurs-éleveurs et ça va très mal finir aussi. Et puis finalement, c'est en gros après la Deuxième Guerre mondiale que ces îles vont vraiment devenir ce qu'elles sont toujours, c'est-à-dire des bases scientifiques, et avec une ouverture extraordinaire sur toute cette vie australe, sur tous ces animaux, ce climat, et aujourd'hui... Kerguelen, c'est la plus grande réserve marine de France. qui s'étend sur des centaines de kilomètres carrés. Et c'est vraiment un lieu où on observe de très près les dérèglements climatiques, mais aussi la vie australe, mais aussi la haute atmosphère. Enfin, c'est vraiment un lieu de recherche tout à fait passionnant. Il y a une faune très riche, des oiseaux et des mammifères marins. Oui, il y a encore, puisque donc ça a été chassé au 18e et au 19e, mais depuis, comme ce sont des réserves, les populations sont en grande partie reconstituées. C'est vrai que c'est tout à fait magique d'arriver sur une plage et de voir des milliers, des dizaines de milliers de manchots, par exemple, ou de voir les éléphants de mer, les phoques, les baleines, les orques. Il y a encore dans ces îles une vie sauvage qui est tout à fait exceptionnelle. Vous êtes membre du Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises. À quoi sert ce conseil consultatif, Isabelle Autissier? Bah écoutez, il sert à conseiller, comme son nom l'indique, la personne qui est en charge de l'ensemble de ces îles, parce qu'il n'y a pas que Kerguelen, il y en a d'autres, il y a Crozet, Amsterdam, et puis il y a des îles beaucoup plus au nord, hein, autour de Madagascar, qui sont de fait des possessions françaises et que aujourd'hui il faut gouverner d'une certaine manière. En particulier, donc je le disais, pour le bien de la recherche, mais aussi il faut les défendre contre des gens qui pourraient vouloir y faire différentes activités pas forcément profitables pour ces îles. Et puis il faut quel genre d'activités? Par exemple de la pêche interdite, certaines formes de tourisme interdit qui vont considérablement déranger les oiseaux, les albatros ou les mammifères marins. Donc voilà, mais la pêche, par exemple la pêche illicite, a été un gros combat qu'on a quasiment gagné, mais dans les années 90 et les années 2000, il y avait beaucoup de pêcheurs, pêcheurs pirates, entre guillemets, qui venaient se servir dans les eaux de Kerguelen, et c'était un vrai souci, c'était vraiment du braconnage. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Kerguelen, le voyageur du pays de l'ombre, chez Grasset, qui en 2006 a reçu le prix des gens de mer au festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo. À lire également sur le sujet, Marcher à Kerguelen de François Garde aux éditions Gallimard et le Dictionnaire amoureux des îles d'Hervé Hamon, paru chez Plon. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 4, Marga d'Endurin, la comtesse qui voulait voir la Mecque.